Il avait envie de partir. La peur de sembler lâche le retint. Un domestique enlevait les tasses de thé. Madame d'Ambreuse causait avec un diplomate en habit bleu. Deux jeunes filles, rapprochant leur front, se faisaient voir une bague. Les autres, assises en demi-cercle sur des fauteuils, remuaient doucement leurs blancs visages, bordés de chevelures, noires ou blondes. Personne, enfin, ne s'occupait de lui. Frédéric tourna les talons. Et, par une suite de longs zigzags, il avait presque gagné la porte quand, passant près d'une console, il remarqua dessus, entre un vase de Chine et la boiserie, un journal plié en deux. Il le tira quelque peu et lut ces mots. Le flambard. Qui l'avait apporté? Saisi, pas un autre, évidemment. Qu'importait, du reste? Ils allaient croire, tous déjà croyaient peut-être à l'article. Pourquoi cet acharnement? Une ironie silencieuse l'enveloppait. Il se sentait comme perdu dans un désert. Mais la voix de Martineau s'éleva. À propos d'Arnoux, j'ai lu parmi les prévenus des bombes incendiaires le nom d'un de ses employés, Sénécal. Est-ce le nôtre? Lui-même, dit Frédéric. Martineau répéta en criant Théo. Comment? Notre Sénécal? Notre Sénécal? Alors, on le questionna sur le complot. Sa place d'attaché au parquet devait lui fournir des renseignements. Il confessa n'en pas avoir. Du reste, il connaissait fort peu le personnage, l'ayant vu deux ou trois fois seulement. Il le tenait, en définitive, pour un assez mauvais drôle. Frédéric, indigné, s'écria. « Pas du tout. C'est un très honnête garçon. »« Cependant, monsieur, dit un propriétaire, on n'est pas honnête quand on conspire. »